Chapitre 16e. Réflexion spéculative. Mon embarquement sur la petite Caroline, capitaine Lafitte, relâche. Le Victory. Dispute. Les Caïmans. Voyage au nord de l'Afrique à la côte Malabar. Conspiration. Attaque de pirates. Perte de la petite Caroline. Le Victory. Désastre. Voyage à Calcutta sur le Caton. Retour à l'île de la Réunion. Depuis mon départ de France et mon embarquement sur la Forte, je n'avais pour ainsi dire pas mis pied à terre. Je résolus donc, dès que j'eus touché mes parts de prise du Kent, qui me permettaient de vivre à mon aise, de prendre un peu de repos. Toutefois, de l'année 1801 à 1802, laps de temps que je m'étais désigné pour jouir en paix du fruit de mes dangers et de mes fatigues, j'entrepris un petit voyage à Madagascar. J'aurais bien voulu m'intéresser, ainsi que me l'avait conseillé Surcouf en me quittant, dans quelque entreprise commerciale et maritime. Mais les croisières anglaises, qui bloquaient presque constamment la colonie, rendaient ces sortes d'affaires si incertaines et si chanceuses que je n'osais m'y mêler. En 1802, la nouvelle du traité d'Amiens arriva dans la colonie et ranima un peu les affaires. On arma quelques navires pour l'Inde. Mes connaissances maritimes, car je pouvais alors construire et conduire un bâtiment, unis aux nombreuses amitiés que j'avais formées à Maurice, me donnaient presque l'assurance de trouver un emploi à bord de l'un de ces navires. Mais désirant ne plus m'embarquer dans une position secondaire, j'hésitais à accepter les conditions que l'on m'offrait, lorsque je fis la connaissance du capitaine Lafitte, commandant le brick La Petite Caroline. Ce capitaine, fort honnête homme, mais assez insignifiant sous tous les rapports, me proposa un intérêt dans l'armement de son navire avec le grade de lieutenant, et me présenta à ses armateurs. J'étais jeune, confiant dans l'avenir, impatient de sortir de mon oisiveté, et mes pourparlers avec ces messieurs ne furent pas longs. Je leur remis, en ma qualité d'associé pour l'expédition, tout ce qui me restait de mes parts de prise du Kent, et tout fut dit. La spéculation que devait tenter la petite Caroline était tout bonnement un voyage de caravane, c'était le terme consacré. On appelait alors un voyage de caravane transporter des cargaisons de port en port et revenir en rapportant la dernière à l'île de France. Le brick La Petite Caroline me plaisait assez. Il était fin voilier, jaugeait 250 tonneaux, portait 4 caronades en bronze, avait une dunette élevée de 2,5 pieds au-dessus du tillac et plongeait de 3,5 pieds dans la cale. Son équipage se composait de 26 hommes, y compris le mousse. Je me rappelle encore aujourd'hui la traversée que je fis sur ce navire étant une de ces choses que l'on n'oublie jamais, toutes les personnes qui se trouvaient à mon bord. Après le capitaine Lafitte, dont j'ai déjà parlé, venait M. Pornic, un Morlaisien, qui remplissait l'emploi de second. Après, c'était moi, en qualité de lieutenant. Notre docteur, un Libournais, se nommait Duprat. Notre maître d'équipage, un Bordelais, Duval. Notre second maître, Marek. Le charpentier, Martin, et le voilier Magloire. Ce dernier était natif de l'île de France. Notre équipage, plus nombreux qu'il ne fallait pour la manœuvre, avait été renforcé parce que nous n'étions pas sans crainte au sujet des pirates indiens si communs dans les parages que nous devions parcourir. La même raison nous avait fait monter nos 4 caronades en bronze. Du reste, cet équipage, recruté à la hâte, ne me plut que fort médiocrement lorsque je le vis, pour la première fois, au bureau de la marine 2 jours avant notre départ. Il présentait un tout hétérogène assez curieux. Il se composait de 3 provençaux, les nommés Roustan, Caderousse et Reboul, de 2 malouins, frères jumeaux d'une grande ressemblance entre eux, Bastien et Benoît Marceau, d'Avrio et Guide, le premier un Lorientais, le second un Bordelais, tous les deux anciens matelots de Surcouf, et avec lesquels j'avais fait la dernière croisière de la Confiance. Avrio, si le lecteur ne l'a pas oublié, était celui qui avait tué avec une grenade le capitaine Rivington du Kent. Enfin un Brestois, Yvon, un Grésillon, Morvan, un Bayonnais, Cruchag, un Malais et un Maltais, Kidou et Cortichat, Antonio de Macao, Molari de Gênes et José Celario, Espagnol, complétaient notre matelotage. Pour novices, nous avions un mulâtre nommé Labourdonnais de l'île Bourbon, fort adroit tireur au fusil, et Michaud, un havrais. Notre mousse, vrai singe, rusé et malin, était de l'Île-de-France. On l'appelait Dobby et par abréviation Bibi. En quittant le port Maurice, nous nous dirigeâmes avec un beau temps vers la mer Rouge. Notre premier relâche fut aux Seychelles, où nous nous arrêtâmes quelques jours pour prendre de l'eau et renouveler nos vivres. Pendant notre séjour sur la rade, arriva peu après nous la corvette de guerre anglaise « The Victory », montant 20 caronades et 2 canons commandés par le capitaine Colliers. Ce navire était le même, le lecteur peut s'en souvenir, qui nous avait rendu notre ambassade à Bomptok si difficile. Le gouverneur général, M. de Quincy, nous ayant invités, le capitaine Lafitte et moi, à dîner, nous trouvâmes à sa table le commandant anglais de cette corvette. Quoique la paix régnât alors entre la France et les îles britanniques, nous étions néanmoins depuis si longtemps habitués à nous considérer en ennemis que nous donnâmes, sans nous en douter, un tour hostile à la conversation. M. Lafitte reprocha bientôt au commandant anglais d'avoir violé les lois de la guerre en s'emparant quelques années auparavant sur cette même rade où nous nous trouvions alors, du brick la flèche, malgré les stipulations parlementaires conclues entre la France et l'Angleterre qui reconnaissaient l'archipel comme pays neutre. Le capitaine Colliers répondit avec vivacité qu'il n'avait agi ainsi que parce que son gouvernement l'avait prévenu que les Français étaient autorisés par le leur à ne pas tenir compte, le cas d'une riche capture échéant, de cette convention. Que du reste, depuis lors, monsieur le même, le capitaine du corsaire français Luny, s'était emparé dans ces mêmes parages d'un corsaire anglais. « Et il a eu raison !» s'écria monsieur Lafitte avec feu. « Pourquoi cela, je vous prie, monsieur ?» demanda l'anglais en se pinçant les lèvres. « Parce qu'en temps de guerre, les représailles deviennent un devoir. Peut-être confondez-vous représailles et trahison. Capitaine !» s'écria M. Lafitte, qui pâlit de colère à cette réponse et se leva d'un air menaçant. La conversation montée à ce diapason eut incontestablement abouti à un duel, sans l'intervention du gouverneur, M. de Quincy, qui s'empressa d'interposer son âge et son autorité entre les deux capitaines et finit par les amener à une complète réconciliation, car après tout, le motif de leur discussion n'était pas assez sérieux pour motiver un combat. « Capitaine Lafitte, dit en souriant le commandant de la Victory 2 heures plus tard, croyez que si pendant votre voyage de caravane vous avez besoin de moi, notre grande dispute ne m'empêchera pas de me mettre à vos ordres. « Je vous remercie, capitaine, mais mon brick est fin voilier. Mon équipage se compose de 26 hommes et la petite Caroline monte 4 canons. Je ne vous suis pas moins reconnaissant de votre offre bienveillante, mais je crois qu'en temps de paix, avec de tels éléments de résistance, je me trouve plus qu'en état de pouvoir répondre aux attaques des misérables pirates indiens de l'archipel. On ne sait pas, capitaine, les hasards de la mer sont si grands. Le fait est que, pas plus, monsieur Lafitte, que moi, nous nous doutions en ce moment du rôle immense que devait jouer la Victory dans notre voyage. Le lendemain de ce dîner, j'étais occupé à surveiller l'embarquement de nos barriques d'eau, lorsqu'un des nègres que nous avions pris pour nous aider dans ce travail poussa un cri retentissant et, abandonnant les bords de la petite rivière où il était occupé à remplir nos futailles, accourut vers nous de toutes ses forces. « Qu'as-tu donc ?» lui demandai-je. « Oh, ce n'est rien, maître, » me répondit-il. « C'est un caïman qui voudrait déjeuner de mon corps. Tenez, le voyez-vous qui se dirige ici ?» En effet, j'aperçus aussitôt, à environ 100 pas de nous, un caïman de moyenne taille qui s'avançait d'un air fort résolu. « Est-ce que les caïmans attaquent parfois les hommes ?» demandai-je au nègre tout en armant mon fusil. « Je crois bien, maître, surtout lorsqu'ils ont déjà mangé de la chair humaine. Alors ils deviennent d'une gloutonnerie incroyable. » Mais je perds ici mon temps à causer au lieu de lui donner la chasse. Mais tu n'as pas d'armes sur toi, malheureux. Oh, je n'en ai pas besoin. Venez-vous, vous autres ? Continua le nègre en s'adressant à plusieurs de ses compagnons. Ceux-ci le suivirent avec empressement. J'étais, je l'avoue, ému et intrigué tout à la fois. Le nègre, à mon grand étonnement, prit sa course vers le caïman, qui, ravi de cette attention qui lui épargnait la moitié du chemin, redoubla de vitesse pour atteindre son déjeuner. Seulement le déjeuner, ou si l'on aime mieux le nègre, arrivé à quelques pas du monstre, ne poussa pas plus loin la complaisance. Au contraire, tournant aussitôt les talons, il prit la fuite devant son ennemi. Le caïman, qui s'avançait plein de confiance, parut indigné de ce procédé et se mit à poursuivre vivement l'Africain que je m'attendais à chaque instant à voir dévoré. Pressé de près, ce dernier prit bientôt son élan et grimpa, avec une légèreté de singe, le long d'un arbre incliné qui s'élevait à environ 500 pas de la rivière et dont les premières branches fortes et flexibles s'étendaient, semblables à un éventail renversé, à une hauteur d'environ 15 pieds au-dessus du sol. Je le croyais hors de danger lorsque je vis le caïman monter péniblement à son tour, ainsi qu'un monstrueux lézard le long de l'arbre. Je l'ajustai aussitôt, mais la crainte de loger une balle dans la tête du nègre que je voulais secourir me retint. Le malheureux se sauva alors sur une des branches horizontales dont j'ai parlé. Mais le caïman, dont cette gymnastique avait probablement augmenté l'appétit, s'empressa de l'y poursuivre. Je n'aurais pas donné en ce moment une charge de poudre de la vie du nègre, tant sa perte me paraissait inévitable, lorsque je le vis saisir l'extrémité de la branche et se laisser déposer doucement, toujours sans la lâcher, par terre. Aussitôt, ses amis les nègres, accourant à son aide, saisirent cette extrémité de la branche et la secouant ensemble par des mouvements brusques, vigoureux et saccadés, lui imprimèrent de telles secousses que le caïman dut commencer à comprendre qu'il était tombé dans un piège. Pendant quelque temps, le monstre, cramponné avec ses griffes, essaya de conserver son équilibre. À la fin, cependant, il tourna le corps en bas, puis tomba. Les nègres, poussant alors des cris de joie, se jetèrent sur lui. Il s'était cassé en deux dans sa chute. Cet épisode, aussi singulier que bizarre, m'avait fort diverti. Mon étonnement fut extrême lorsque les nègres m'apprirent que ce fait que je prenais pour un hasard était une chose fort ordinaire et qui se représentait tous les jours. En effet, c'est là la manière dont ils chassent les caïmans. Il est rare qu'ils ne réussissent pas. Je dois mentionner, pour compléter ce renseignement curieux, que jamais encore je n'ai vu consigner nulle part qu'une fois le caïman tué, lorsqu'il est encore jeune, les nègres lui font subir le sort qu'il leur destinait lui-même, c'est-à-dire qu'ils le mangent bel et bien. Nos affaires à Seychelles étant terminées, nous entrâmes dans la mer Rouge et fûmes mouillés à Moka, puis de là à Mascate. L'imam de Mascate, du moins à cette époque, n'avait pas de marine et ne possédait pas un seul navire de guerre. Sans ambition, il préférait le repos aux conquêtes et ne s'occupait que très peu, sous le rapport du progrès, de ses états. Il était alors, bien malgré sa volonté, en guerre depuis longtemps avec Hassan Ebnian Sied, prince souverain des Bédouins qui habitent les montagnes, et qui, avec 300 ou 400 hommes de troupes, dévastait ses provinces, coupant la communication de Sana à Moka et faisant payer des contributions aux voyageurs et aux chameliers chargés du transport du café. Cette guerre, du reste, qui durera sans doute toujours, est fort originale. Lorsque les Bédouins s'avancent un peu trop, l'Iman marche contre eux avec ses troupes. Alors, les premiers se retirent dans la montagne jusqu'à leur capitale, qui est, nous dit-on, petite, bien fortifiée, et placée sur un piton très escarpé et très élevé. Les Arabes la considèrent, par habitude et sans avoir jamais tenté l'assaut, comme imprenable. Satisfaits d'avoir repoussé leurs ennemis, les Arabes ne sont jamais à cerner cette ville et retournent tranquillement chez eux. Inutile d'ajouter qu'aussitôt après leur départ, les Arabes recommencent leur brigandage. De Mascate, passant par Surat et Bombay, nous fûmes mouillés à Goa, cette ancienne capitale, si déchue de ses splendeurs premières, de la domination portugaise. Goa est une ville superbe et possède un port magnifique. Seulement, l'herbe croît à présent sur ses quais à peu près abandonnés et dans ses rues presque désertes. Nous n'y rencontrâmes que des moines et des soldats. Je dois ajouter que les premiers se donnaient des airs de matamores dignes du Cid, et que les seconds ne brillaient ni par leur air modeste, ni par la propreté de leur tenue. Je passai le lendemain de notre arrivée dans la principale rue de la ville, lorsque je vis une jalousie s'ouvrir et derrière cette jalousie apparaître un ravissant visage de jeune fille. J'étais jeune, je m'arrêtai aussitôt. Un léger coup frappé sous mon épaule me retira de ma contemplation, qui au reste ne semblait ni déplaire à la personne qui en était l'objet, ni l'intimider. En me retournant, je me trouvai face à face avec la figure barbue d'un moine. « Mon fils, me dit-il en me lançant une bouffée de fumée de tabac dans les yeux, vous me paraissez bien absorbé par votre examen. » Ainsi surpris en faute, toute dénégation m'était impossible. Me hâtant donc de balbutier quelques excuses, car cette jeune dame pouvait être la parente du moine, j'allais m'en aller, lorsque celui-ci me retint. « Vous vous trompez du tout au tout au sens de mes paroles, » me dit-il en souriant. Se penchant aussitôt à mon oreille, le moine prononça quelques mots en me tendant la main. J'eus l'air de ne pas comprendre et je m'éloignai à grands pas. Le fait est qu'il m'eût été facile d'arriver, grâce à son intervention, si je l'eusse voulu, jusqu'au balcon. C'est une triste population que celle de Goa. La veille de notre départ, le gouverneur portugais nous confia pour son confrère de Ceylan 2 lacs de roupies, c'est-à-dire une valeur de 500 000 francs, qui m'eut tout l'air d'être le paiement d'un tribut. Cet embarquement nous causa assez de tracas et de fatigue, car comme nous n'étions pas du tout sûrs de notre équipage, nous ne pûmes mettre que quelques-uns de nos matelots dans la confidence. Ceux qui nous aidèrent à transporter ces fonds à bord furent Guide et Avrio. Je ne parle pas du maître d'équipage, le bordelais Duval, ni de son second Marek. Nous pouvions compter sur eux comme sur nous-mêmes. Nous fîmes passer les sacs de roupies par les fenêtres de la chambre et nous les déposâmes dans la soute aux poudres. Le jour de notre départ, nous prîmes, comme passagers, une famille entière qui abandonnait la misérable ville de Goa pour aller s'établir à Colombo, île de Ceylan. Cette famille se composait du père, de la mère, d'une fille et de 2 garçons de 12 à 14 ans. Depuis que notre brick portait dans ses flancs les 2 lacs de roupies du gouverneur de Goa, nous nous sentions, le capitaine Lafitte et moi, beaucoup moins tranquilles d'esprit. La responsabilité morale qui pesait sur nous était telle qu'elle nous accablait. Il y avait 2 jours que nous avions repris la mer, lorsque pendant le repas du soir, le capitaine m'aborda d'un air soucieux. « Garneret, me dit-il à demi-voix, je vais vous entretenir de choses fort importantes. Relevez le timonier Kidou, qui me semble allonger un peu trop l'oreille de notre côté, afin de saisir notre conversation. Une fois que vous aurez pris la barre, nous pourrons parler sans nous gêner. » Je fis ainsi que le désira le capitaine, puis dès que nous nous trouvâmes seuls, Lafitte se retournant vers M. Pornic, le second, et vers moi. « Mes amis, j'ai 2 graves observations à vous soumettre. D'abord, je vous rappellerai qu'à notre départ de l'île de France, nous avons apporté, pressés comme nous l'étions par le temps, fort peu de soins à la composition de notre équipage. Eh bien aujourd'hui, je me repens de cette précipitation blâmable, car je commence à avoir peur. J'ai remarqué que les 5 matelots étrangers qui se trouvent à notre bord, c'est-à-dire le Malais Kidou, le Maltais Cortichat, le Génois Malari, l'Espagnol José Salario et Antonio de Macao, semblent, pour des gens qui ne s'étaient jamais vus jusqu'à ce jour, s'être liés bien vite d'une amitié profonde et étroite. Ne fréquentant que très peu le reste de nos hommes, ils font bande à part et sont toujours occupés à causer entre eux de choses secrètes. Car chaque fois que je me suis approché d'eux pendant leurs entretiens, je les ai vus aussitôt garder le silence. Je ne vous cacherai pas que leur conduite m'inquiète vivement. Voyons, vous, Pornic, avez-vous remarqué quelque chose ? Moi, capitaine, quoique cette fois soit la première que vous ayez jugé à propos de m'entretenir à ce sujet, je ne vous cacherai pas que j'ai déjà été frappé souvent de cette espèce d'alliance, de pacte d'association, de complot, enfin, de tout ce que vous voudrez, qui règne entre nos étrangers. Seulement, craignant d'être ridicule en vous soumettant des craintes qu'il m'eût été impossible de bien préciser, j'ai gardé jusqu'à ce jour le silence. Je suis au reste enchanté que vous ayez amené la conversation sur ce sujet qui me semble en effet extrêmement grave et digne d'attention. « Et vous, Garneret ?» me demanda M. Lafitte à mon tour. « Capitaine, je partage tout à fait la manière de voir de M. Pornic. J'ajouterai même que pendant notre courte relâche à Goa, j'ai surpris nos étrangers dans un café où ils payaient la forte consommation qu'ils avaient faite avec de l'or. Or, au départ de l'île de France, c'était justement moi qui me trouvais au bureau de la marine lorsqu'ils sont venus s'y faire inscrire. Ils déclarèrent, en demandant des avances, qu'ils ne possédaient pas une piastre pour s'équiper, et les avances leur furent faites en argent et non en or. Le motif qui m'empêchait de vous parler jusqu'à ce jour de ce détail est le même qui a retenu M. Pornic. J'avais peur de paraître ridicule avec mes craintes. « Diable ! » s'écria le capitaine. « Ce que vous venez de m'apprendre là me semble assez sérieux, si nous consultions la Mestrance. »« Je crois que nous ferions bien, capitaine. » La Mestrance, que nous appelâmes aussitôt, au lieu de détruire nos soupçons, ne fit que les confirmer encore. Le maître d'équipage, surtout le bordelais Duval, vieux loup de mer, dont l'éducation, par trop négligée, s'était toujours opposée à l'avancement, mais qui était, certes, l'homme le plus fin, le plus roué, le plus intelligent et le plus intrépide qu'il fût possible de trouver, renchérit encore sur nos soupçons en nous déclarant que, sur son honneur et sa conscience, il eût prouvé qu'un complot existait. « Et pourquoi ne m'avez-vous pas averti plus tôt ?» lui demanda Laffitte. « Dame, capitaine, puisque j'étais sur mes gardes, cela suffisait, » répondit tranquillement Duval. Le sobriquet du Bordelais, sobriquet qui avait fini par remplacer son vrai nom et par lequel on le désignait toujours, était celui de Maître Sang-Froid. L'opinion qu'il venait d'émettre nous causa au capitaine, au second et à moi, qui connaissions toute la valeur de cet homme, une profonde émotion. Nous nous promîmes de redoubler d'attention et de nous tenir constamment sur nos gardes. Depuis que le capitaine Laffitte nous avait communiqué ses craintes au sujet des étrangers, notre surveillance était encore accrue. Nous observions leurs moindres actions avec une extrême attention. Avrio et Guide, ces deux hommes d'élite, mis par moi dans la confidence de nos soupçons, me promirent de m'aider de toute leur force dans ma tâche et de ne pas perdre un seul instant de vue les matelots suspects. Le Portugais Antonio, qui était, je l'ai déjà dit, de Macao, et le Maltais Cortichat me parurent les plus dangereux. Je recommandai à Avrio et à Guy de s'attacher spécialement à la surveillance de ces deux étrangers. Antonio, en qualité de compatriote, s'était mis au mieux avec la famille portugaise que nous avions embarquée à Goa. Il remplissait auprès d'elle, en ayant obtenu la permission du capitaine, l'office de domestique. Peu à peu même, et cela en très peu de jours, il me parut sortir de ses humbles fonctions de balai pour s'élever jusqu'à l'intimité de nos passagers. Pendant une grande partie de la journée, Antonio avait avec ces derniers de longues conférences qui cessaient toujours à l'approche de l'un de nous. Je remarquai également que les Portugais devenaient, je ne dirais pas de jour en jour, mais bien d'heure en heure, de plus en plus réservés et froids envers le capitaine, le second ou moi. Les deux garçons ne se gênaient pas, malgré les signes que leur faisaient leurs parents, et que je surprenais parfois, pour montrer toute l'aversion qu'ils ressentaient pour nous. Quant à leur sœur, charmante enfant de 15 ans, elle ne pouvait, malgré ses efforts, parvenir à dissimuler l'impression de crainte et d'horreur que lui causait la présence de l'un de nous. Au total, comme nos passagers, quoique leur conduite fût fort significative, ne sortaient pas des règles d'une froide politesse à notre égard, et qu'après tout, nous n'avions certes pas le droit d'exiger leur amitié, nous affections de ne pas remarquer le mauvais vouloir qu'ils nous montraient. Un soir, c'était le 5e jour depuis notre départ de Goa, l'équipage assemblé sur le gaillard d'avant écoutait une histoire que lui racontait le Maltais Cortichat. L'air attentif de nos hommes, leurs yeux brillants, leur col tendu vers le narrateur, prouvaient combien le récit de celui-ci les intéressait. Poussé par la méfiance et par la curiosité, je fus me mêler au groupe des auditeurs. Le Maltais, dont le regard circulaire et sournois ne se fixait jamais sur un objet, quoique rien de ce qui se passait près de lui ne lui échappât, s'aperçut, sans aucun doute, de ma présence, car il s'arrêta aussitôt tout court au beau milieu de sa narration. « Eh bien, Cortichat, lui dis-je, pourquoi donc ne poursuis-tu plus ton histoire? Est-ce que ta mémoire te ferait défaut ?»« Hélas, oui, mon lieutenant, » me répondit-il d'un ton hypocrite, « la fin de mon récit m'échappe tout à fait. » Cette annonce du narrateur produisit un vif mouvement de dépit parmi son auditoire. « Sacrebleu, c'est-y bête de ne pas y voir plus de tête que ça ?» s'écria le malouin Bastien Marceau. « Voyons, Cortichat, essaye un peu. Il est impossible que ça ne te revienne pas. Tu nous filais ça si bien lorsque le lieutenant est arrivé. » « Ce n'est pas l'arrivée du lieutenant qui m'a fait perdre la mémoire, » interrompit vivement le Maltais. « Est-ce que ce récit t'amusait, Bastien ?» demandai-je au matelot. « S'il m'amusait, lieutenant, ah mais oui, et drôlement même, ça nous amusait tous. » « De quoi il était donc question? Du voltigeur hollandais ?»« Oh non, lieutenant, le voltigeur c'est vieux et usé. Il y a même des malins qui prétendent que c'est une blague et que ce n'est jamais arrivé. Tandis que l'histoire de Cortichat, il n'y a pas moyen de mettre ça en doute. On voit que c'est la vérité. Quel malheur que cet animal-là ait oublié la fin. » « Allons, voyons, Cortichat, un peu de bonne volonté, mon garçon, ça va te revenir. »« Ne pensez-vous pas, lieutenant ?» me demanda le Maltais, sans répondre à Bastien, « qu'il va y avoir un grain. Peut-être faudra-t-il prendre un riz. Ce petit nuage à l'horizon que l'on voit là-bas, tenez, me semble suspect. »« Merci de tes conseils, mon garçon, » répondis-je, étonné de la persistance qu'il mettait à éloigner la conversation de son récit interrompu. « Mais souviens-toi, une bonne fois pour toutes, que le devoir d'un matelot à bord est d'obéir à ses officiers et non pas de les conseiller, car ils savent mieux que lui ce qu'ils ont à faire. Tâche plutôt de rappeler ta mémoire et de continuer ce récit dont l'interruption contrarie tant les camarades. » « Cela me serait impossible, lieutenant. Je me rappelle même à présent que je n'ai jamais su la fin de cette histoire. Alors il ne fallait pas la commencer pour nous mettre le à la bouche et nous laisser ensuite en panne, » s'écria Benoît Marceau, le jumeau de Bastien. « Voyons, mes amis, » dis-je au matelot désappointé, « ne vous désolez pas ainsi. Peut-être l'histoire de Cortichat ne m'est-elle pas inconnue. Eh bien, si cela est, je vous promets de vous l'achever. Toi, Bastien, je t'accorde la parole. Raconte-moi cette malheureuse histoire que l'on ne peut finir. » « Mais, lieutenant, » s'écria le Maltais en m'interrompant avec un empressement qui m'étonna. « Silence !» m'écriai-je d'un air sévère et le regardant fixement. « Parle, Bastien, je t'écoute. De quoi s'agit-il » « Il s'agit comme ça, lieutenant, d'un navire qui voguait, comme qui dirait nous, dans les mers de l'Inde. Ce navire montait, comme qui dirait le nôtre, quatre caronades et avait un équipage d'environ 30 hommes, toujours comme nous. Bon, voilà que le capitaine, un faillichien, sauf votre respect, laissait par avarice mourir de faim ses soldats. Très bien. Alors ceux-ci, dont les dents se sont allongées comme des épissoirs, se disaient un beau jour qu'ils sont bien cornichons de ne pas réclamer. Alors ils réclament. Alors le capitaine leur administre une distribution de coups de pied de calotte. Bon. Alors eux, dont ces horions ne remplissent pas l'estomac, re-réclament. Très bien. Alors le capitaine se fâche tout rouge. Alors on en vient aux mots. Des mots aux mains. Alors, histoire de s'expliquer, on se bouscule. Alors, à la fin de la chose, le capitaine, jeté par-dessus bord, glisse tout doucement au fond de la mer. Alors ses officiers, qui l'aimaient beaucoup, s'empressent, aidés un peu par l'équipage, de le suivre. Très bien. Alors, dame, bombance et ripaille générale. Les bouteilles de vin, l'eau de vie, les conserves à discrétion, on mange toute la journée sans s'arrêter. Alors on se dirige vers l'île du plaisir, une île, à ce qu'il paraît, lieutenant, qui se trouve justement dans ces parages-ci. Alors, ça c'est le plus beau de l'histoire, voilà que nos matelots, en abordant à terre, sont reçus par des nymphes vêtues comme des princesses, tout en mousseline et en jaconas. Alors, ces braves filles disent comme ça aux matelots, « Salut, amitié, ça nous fait plaisir de vous voir. Vous êtes ici dans le royaume des femmes et dans l'île des plaisirs. Nous vous soignerons, nous vous hébergerons, nous vous dorloterons, nous vous ferons la cour. À preuve que nous manquons totalement de mari. Venez. Nous allons vous conduire dans notre palais. » Bon, que se disent les matelots, ça ne va pas trop mal. Vous nous plaisez, allons à notre palais. Alors ils se mettent en route bras dessous avec les dames, et ils traversent une prairie pleine de fruits et de fleurs. Alors ils arrivent au palais. Alors, eh bien c'est là toute l'histoire, lieutenant. Le Maltais en est resté au palais. Si c'est un effet de votre bonté de nous achever la chose, nous en serions tout de même bien contents. Bastien Marceau, fier et satisfait de la façon dont il m'avait rapporté le récit de Cortichat, changea sa chique de place, passa le revers de sa main sur sa bouche et attendit ma réponse. Pour moi, l'intention qu'avait dictée au Maltais son récit était tellement claire et évidente que je ne pus m'y tromper un seul instant. Je me promis de mettre à profit cette occasion que m'offrait le hasard pour donner une leçon à l'équipage. « Mes amis, leur dis-je, je connais la fin de cette histoire, mais avant de vous la raconter, je dois relever quelques erreurs qui s'y trouvent. » À cette annonce, un grand silence se fit et les matelots se rapprochèrent tous de moi. Le Maltais Cortichat, que je surveillais d'un regard de côté, avait peine à cacher, sous un faux air d'indifférence, l'émotion qu'il éprouvait. Je compris qu'il attendait avec anxiété ce que j'allais dire, afin de savoir si j'avais, oui ou non, pénétré ses intentions. « Mes amis, » repris-je, le fond de ce récit est parfaitement vrai, mais on l'a tellement défiguré qu'il n'est plus reconnaissable. Un équipage s'est en effet révolté dans ces parages-ci et a lâchement assassiné son capitaine. Puis, une fois cette abominable action commise, n'ayant plus à bord personne pour diriger les manœuvres, il fut s'échouer sur une des îles de l'archipel. Seulement, cette île, au lieu d'être habitée par des nymphes, qui n'ont jamais existé, l'était par des Indiens féroces et cruels, qui accueillirent les naufragés avec la plus grande inhumanité et les réduisirent à la condition d'esclaves. Vous dire à présent les tortures, les souffrances, les privations et les humiliations que ces misérables, qui les avaient si bien mérités, eurent à souffrir, me serait impossible. Enfin, pour abréger, je vous dirai qu'un navire de guerre anglais, envoyé à la poursuite des pirates indiens, trouva ses matelots en opérant une descente dans l'île qu'ils habitaient, dans un si déplorable état qu'ils ressemblaient plutôt à des bêtes de somme qu'à des créatures humaines. On les embarqua aussitôt, et on parvint, en les interrogeant séparément, à leur cacher la vérité. Ils furent condamnés à être pendus. Eh bien, le croiriez-vous, ils avaient tous tant souffert que plusieurs d'entre eux, le moment de l'exécution venu, souriaient avec amour à la corde à nœud coulant, flottante dans les airs, qui devait bientôt les aider à franchir le seuil de l'éternité. Tous, c'est au moins une justice à leur rendre, demandèrent, au moment d'exécuter le grand sceau dont ils ne devaient retenir que cadavres, pardon à Dieu et aux hommes de leurs crimes passés. Voici la véritable histoire que vous défigurait tout à l'heure votre ami Cortichat, s'il ne s'y trouve pas de nymphes habillées en mousseline et en jaconas, en compensation, les potences y abondent. Mon récit me parut produire une assez vive impression sur mon auditoire. Un long silence le suivit. Mes auditeurs semblaient plongés dans de graves réflexions. « Prétendez-vous donc, lieutenant, me demanda le génois Malari, prenant le premier la parole, qu'une révolte à bord d'un navire n'ait jamais réussi ?»« Certainement, je le crois, répondis-je. Et comment voudriez-vous qu'il en fût autrement ?»« Le crime de piraterie ne ressemble pas aux autres crimes, car il s'attaque à toutes les nations. Aussi ne laisse-t-il à ses auteurs ni trêve ni repos. Pour eux, la fuite n'est pas possible. Le monde entier, moins toutefois, je vous le répète, quelques terres sauvages, où le plus dur esclavage les attendrait, devient leur ennemi. Malheur à eux, quel que soit l'endroit où on les découvre, et on les découvre toujours, traqués comme des bêtes fauves, ils deviennent de suite la proie du bourreau. Bon, lieutenant, la terre est bien grande, un homme occupe si peu de place, et les années le changent tellement, que plus d'un pirate est mort riche et honoré après une longue existence semée de joie et de plaisir. Et les craintes et les remords incessants qui ont dû tourmenter de telles existences, comptez-vous donc cela pour rien ? Demandai-je au génois. Ah, lieutenant, me répondit-il en ricanant, quand on est riche, on achète ses juges et l'on s'amuse. Or, la sécurité et le plaisir ne laissent guère de place aux remords. Notre conversation finit là. Toutefois, je notai soigneusement dans ma mémoire la réponse du génois. Elle me parut dénoter l'état de son esprit. La nuit venue, je ne manquai pas de la rapporter au capitaine, à Pornic et à Maître Sang-Froid. Tous les trois convinrent que nous devions redoubler de surveillance. Le génois Malari, je ne sais si le lecteur l'aura deviné par sa conversation, ne manquait pas d'une certaine éducation. Son langage permettait de supposer qu'il avait dû vivre et se trouvait jadis dans un monde et dans une sphère plus élevée et tout à fait différente de sa position actuelle. Si au lieu de retracer ici tout simplement, comme je le fais, les principaux événements de ma vie maritime, je voulais m'abandonner à l'imagination et manquer à la vérité, je crois qu'il y aurait moyen, en développant le caractère de cet homme et en lui supposant des antécédents qui se rattacheraient plus tard à ce récit, d'en faire un personnage assez mystérieux et intéressant. Mais j'avoue à cet égard toute mon impuissance. Je trouve déjà fort difficile de raconter ce que j'ai vu, et il me serait impossible, malgré tout mon désir, d'inventer le moindre fait, le plus petit épisode. Le lendemain même de la conversation que je viens de rapporter, eut lieu un fait auquel je n'eusse, en toute autre circonstance, attaché la moindre importance et qui alors me frappa. Au repas du soir, quelques-uns des matelots étrangers de l'équipage se plaignirent de l'exiguïté et de la mauvaise qualité des rations qui leur furent distribuées. Était-ce déjà le commencement de l'histoire du Maltais qui se réalisait à notre bord ? D'autant mieux qu'après avoir examiné avec la plus scrupuleuse attention et la plus grande impartialité les plaintes des mécontents, je reconnus qu'elles manquaient tout à fait et complètement de fondement, d'autant plus que nos matelots français ne s'en plaignaient pas. Je remarquai aussi qu'à mesure qu'Antonio avançait dans les bonnes grâces de nos passagers, ces derniers se montraient de plus en plus mal disposés pour nous. À peine pouvaient-ils parvenir à cacher le malaise que leur causait notre présence. La jeune portugaise surtout ne nous regardait qu'avec des yeux épouvantés, cependant nous étions pour elle pleins de prévenance et d'égard. Il y avait déjà près d'une semaine que nous avions abandonné Goa et nous descendions, je l'ai déjà dit, la côte Malabar pour nous rendre à Colombo de Ceylan, prenant les amures à tribord pendant la brise du large et à bâbord pendant celle de terre, lorsqu'un matin, nous aperçûmes au large, à toute vue, un de ces grands bateaux du pays, dont la vélocité semble tenir du prodige et qui sont connus sous le nom de proue. Il ventait petit frais. La brise de large commençait à régner et l'embarcation indienne tenait notre route. D'abord, nous n'y fîmes que médiocrement attention, mais une circonstance qui ne tarda pas à nous frapper éveilla bientôt tous nos soupçons. Nous remarquâmes que, quand le soleil commença à baisser en illuminant la mer d'un vaste rayon brillant, le proue se plaça aussitôt entre le soleil et nous, de telle façon qu'enveloppé dans le vaste et éblouissant rayon dont nous parlons, il échappait tout à fait à nos regards. Jusqu'à la nuit tombante, le proue conserva, quoique sa marche fût infiniment supérieure à la nôtre, la même distance et la même position. Le hasard ne pouvait certes pas produire un pareil état de choses. Au reste, nous aperçûmes à quelques rares intervalles, lorsqu'un nuage léger amortissait en glissant devant lui l'éclat du soleil, l'embarcation indienne, tantôt amenant sa voile, tantôt la hissant, afin de se maintenir dans le brillant des eaux. Cette manœuvre n'était pas même équivoque. Elle nous donnait la certitude que nous allions avoir affaire à des ennemis. En vain, le capitaine Lafitte voulut-il se faire illusion et nier l'intention du proue. Maître Duval, ou maître Sang-Froid si l'on préfère, qui avait navigué dans ces parages et les connaissait bien, lui prouva que cette embarcation renfermait des pirates et que son dessein, au moins pour le moment, était de nous attaquer. Cette discussion qui se passait sur la dunette avait pour auditeur le père de la famille portugaise que nous avions embarqué à Goa. Depuis longtemps déjà, je le répète, cet homme ne parlait à personne de nous à bord. Mais il paraît que la gravité des circonstances lui fit momentanément oublier l'aversion qu'il éprouvait pour nous, car s'avançant vers M. Lafitte, « Capitaine, lui dit-il en rougissant, me serait-il permis de vous demander, car je comprends assez imparfaitement le français, si le sujet de votre conversation n'est pas cette embarcation qui nous suit depuis ce matin ?»« Oui, monsieur, répondit le capitaine. Et pensez-vous réellement, reprit le portugais en pâlissant, qu'elle soit montée par des pirates ?» J'en doutais d'abord, mais les observations de mon maître d'équipage m'ont fait changer de sentiment, tant il m'a paru rempli de conviction. « Ah, Jésus-Maria, mais savez-vous une chose, capitaine ?» Ici, le portugais se tut subitement. Je suivis la direction de son regard. J'aperçus son domestique Antonio, qui, feignant d'être occupé près de nous, écoutait notre conversation. « Antonio, dit le portugais après un moment d'hésitation, « va-t'en dans ma cabine me chercher mon étui à cigare. » Le matelot me parut n'obéir à cet ordre qu'à regret, et que parce qu'il était impossible de faire autrement. « Capitaine, reprit alors vivement notre passager, « savez-vous bien que j'ai embarqué toute ma fortune à bord de votre navire ?»« Non, monsieur, vous ne m'avez rien dit, et j'ignorais cette circonstance. »« Oui, j'ai ici plus de 200 000 francs, » continua le portugais en surmontant l'hésitation que lui faisait éprouver cette confidence. « Oui, capitaine, plus de 200 000 francs en or, en doublon, qu'Antonio a caché dans la membrure du navire au-dessous du tillac de la chambre à l'endroit réservé pour placer vos poudres. »« Ah !» dit négligemment le capitaine Lafitte, « c'est Antonio que vous confiez vos fonds ?»« Soit, monsieur, je n'ai rien à voir avec cela. »« Capitaine, pardon, mais si vous saviez ce que cet homme, je vous demande encore pardon, a osé me donner à entendre. »« Parlez, monsieur, je vous écoute. »« Non, capitaine, je n'oserai jamais. » « C'est donc bien terrible ce qu'il vous a dit, cet Antonio. »« Mais ce n'est pas trop maladroit, au moins, » dit maître Duval se mêlant à la conversation, dont il avait entendu les dernières phrases. « Vous le savez, vous, Duval ?»« Je m'en doute, capitaine. » »« Cette canaille d'Antonio nous a représenté à monsieur comme des bandits et des pirates, qui, s'il connaissait ses richesses, s'empresseraient de lui tordre le cou et de le jeter à l'eau. « N'est-ce pas, monsieur ?» ajouta maître Sang-Froid en se retournant vers le portugais. « En effet, monsieur. » répondit celui-ci en proie au plus vif étonnement. « Vous avez deviné. »« Mais comment peut-il se faire que vous ayez deviné une semblable chose ?»« Pardi, c'est bien malin, » répondit tranquillement Duval. « Comme on connaît ses saints, on les honore. Je sais que cet homme est une canaille et un traître, et cela me suffit. »« Silence, » dis-je à demi-voix au portugais, en voyant Antonio revenir avec l'étui à cigare. « Il ne faut pas qu'il se doute de notre conversation. Ne craignez rien, monsieur, vous ne perdrez pas votre or. » Le soleil allait disparaître, quand nous vîmes une légère pirogue à balancier se détacher du proa et s'avancer vers nous. Comme ces sortes d'embarcations dont le sillage rappelle par sa rapidité le vol de l'hirondelle ont été décrites en mains ouvrages, je ne m'appesantirai pas ici sur leur construction. En moins d'un quart d'heure, la pirogue nous atteignit et rasa notre bord. Seulement les hommes qui la montèrent ralentirent pendant quelques instants sa marche en passant près de la petite Caroline et adressèrent à Kidou, assis sur les bastingages de l'avant, quelques paroles en indien auxquelles celui-ci, avant que nous eussions le temps de nous opposer à son dessein, s'empressa de répondre. « Que viennent de te dire ces Indiens, misérables ?» s'écria notre second pornique en sautant à la gorge du malais. « Ils m'ont souhaité un bon voyage, » répondit Kidou. « Mais pourquoi, monsieur, me brutalisez-vous ainsi ?» Pornic allait probablement, emporté par la colère, reprocher à Kidou sa trahison, lorsque Maître Sang-Froid, accouru en toute hâte, l'en empêcha en prenant la parole à sa place. « Depuis quand donc un officier n'aura-t-il pas le droit de secouer un peu un matelot, histoire de passer sa mauvaise humeur et de se soulager les nerfs ?» dit-il à Kidou. « Allons, file ton nœud et fiche-nous la paix. » Le malais descendit, sans prononcer une parole, des bastingages, et reçut, en touchant le pont, un grand coup de pied de Duval. Il s'éloigna sans manifester la moindre mauvaise humeur. « Pourquoi donc, Duval, avez-vous frappé cet homme ? » demandai-je au maître d'équipage lorsqu'il nous rejoignit sur la dunette. « Ne craignez-vous pas de l'indisposer davantage contre nous ?»« J'ai flanqué un atout à ce cuivre-là, lieutenant, » me répondit-il, « afin de ne plus conserver un doute sur ses projets de trahison. Vous ne comprenez pas cela ? C'est bien simple. Si cet homme n'avait rien à se reprocher, il n'eût accepté qu'en grognant ou même en se fâchant la caresse de mon pied, qu'il n'avait pas mérité. Or, vous avez pu voir qu'il n'a pas songé à protester. » Et qu'il s'est éloigné sans montrer de mauvaise humeur, ce qui prouve deux choses. D'abord, qu'il ne tient pas à engager une discussion en ce moment, ensuite qu'il espère pouvoir prendre bientôt sa revanche. De 7 à 9 heures du soir, le calme s'établit, et la pirogue à balancier, rongeant une espèce d'îlet qui nous séparait d'une grande île très montagneuse et très boisée, disparut bientôt à nos regards. À 9 heures, nous prîmes bâbord amure pour profiter de la brise de terre, car il s'agissait avant tout de gagner le large afin d'éviter le proa indien. La nuit se passa pour nous dans un qui-vive perpétuel. La brise de terre était très faible et le courant, s'opposant à notre désir de prendre la haute mer, nous drossait vers la côte. L'inquiétude nous dévorait. Les passagers portugais, loin de fuir notre présence, nous accablaient alors de questions. Il me parut, à la façon dont ils recevaient les services d'Antonio, qu'ils avaient eu entre eux une explication et qu'ils commençaient à revenir sur le compte de leur officieux compatriote. Au matin, notre position était à peu près la même, c'est-à-dire que nous conservions toutes nos appréhensions et que nous nous attendions toujours à un combat. Pendant la nuit, nous avions dépassé la petite île et nous nous trouvions alors près de cette terre montagneuse et boisée dont j'ai déjà parlé. Ce fut, au reste, sans aucun étonnement, que nous aperçûmes en la doublant le pro sortant de derrière des rochers qui nous l'avaient caché jusqu'alors, faire route sur nous. L'équipage de l'embarcation indienne nous sembla, au premier abord, peu nombreux, mais nous nous convainquîmes bientôt, par un examen plus attentif, qu'une grande quantité d'hommes couchés et étendus au fond essayaient d'échapper à nos regards. Sans ces maudits courants qui nous rapprochaient cette nuit de terre et sans la faiblesse de la brise, nous dit à Pornic et à moi le capitaine, nous aurions pu prendre le large, et nous ne nous trouverions pas à présent dans cette affreuse position. C'est vrai, capitaine, lui répondis-je. Mais puisque nous nous y trouvons, le mieux, je crois, de laisser de côté les plaintes et de nous préparer au combat. « C'est aussi mon opinion, » dit Maître Duval, se mêlant sans façon, selon son habitude, à la conversation. « Si vous voulez même me permettre, capitaine, de faire prendre en votre nom quelques mesures de précaution auxquelles vous n'auriez peut-être pas le temps de songer, cela me ferait plaisir. » Monsieur Lafitte, qui appréciait la sagacité, la prudence et l'esprit inventif de son maître d'équipage, n'hésita pas à lui donner carte blanche, et celui-ci nous quitta aussitôt. « Quant à vous, Garneret, ajouta Lafitte, occupez-vous de suite de la distribution des armes. » Maître Duval, pendant que je faisais armer l'équipage, était descendu dans la chambre et faisait percer par le charpentier Martin 4 meurtrières dans le fronton de la dunette, 2 à tribord, 2 à bâbord, puis, barricadant le guichet qui communiquait de la chambre à la cale, il amarrait en dessous le panneau de la dunette. Ces dispositions prises par Maître Sang-Froid sans qu'il daignât répondre aux questions que lui adressait le charpentier sur leur utilité ou leur destination, Il fit descendre dans la chambre une barrique d'eau douce et ordonna au novice Michaud de mettre dans les caissons la moitié de la poudre contenue dans la plus basse et arrière soute, ainsi que des boulets, des balles, des cartouches, des pistolets et des fusils. De retour sur le pont, Duval fit aussi établir avec des cordages une espèce de filet d'abordage allant du mât de Beaupré au couronnement et élevé de 4 pieds au-dessus du bastingage. Enfin, comme complément de ses précautions inexpliquées, il amarre, avec l'aide de son second Marek, 6 boulettes de caronades ensemble dans un fort filet et fait hisser ce ballot de nouvelle espèce au bout de la vergue de misaine à bâbord. Une remarque que je fis et qui, malgré la gravité de notre position, amena un sourire sur mes lèvres, était l'étonnement qu'éprouvait le capitaine en assistant aux bizarres préparatifs de son maître d'équipage. Monsieur Lafitte, au nom de qui Monsieur Duval donnait ses ordres, ne pouvait l'interroger et en était réduit aux conjectures. Je procédai à l'armement de l'équipage et je venais de distribuer à chacun sa hache, son espingole, sa pique et son poignard, lorsque nos 5 matelots étrangers se présentèrent à leur tour devant moi. À leur vue, je l'avoue, je restais assez embarrassé. Feignant d'avoir un mot à dire au capitaine, je leur fis signe que j'allais revenir et je me hâtais de rejoindre messieurs Lafitte et Pornic. Faut-il armer les matelots étrangers malgré la trahison qu'ils méditent et dont nous avons presque des preuves ? Lui demandai-je vivement, ou plutôt faut-il les enfermer ? Je ne doute nullement de la trahison de ces hommes, me répondit le capitaine, et je suis persuadé que leur intention est de s'emparer de la petite Caroline. Mais il ne s'ensuit pas, de ce qu'ils désirent voler les richesses qui se trouvent à bord, qu'ils soient d'accord avec les pirates indiens du Pro. Il est positif que si nous tombons entre les mains de ces bandits, nos étrangers seront massacrés, tout comme nous, par eux. Je crois donc que, pour le moment, leur intérêt les rattache à notre cause et que nous pouvons les armer. Qu'en pensez-vous, Pornic ? Je pense qu'en effet, capitaine, nous priver de 5 hommes serait affaiblir de beaucoup notre équipage. Armer ces misérables. Ah mais non, cela ne se fera pas, s'écria Maître Sangfroid, qui ne manquait jamais de s'approcher de nous lorsqu'il nous voyait en conférence, et mettait alors toujours fort librement son opinion. Êtes-vous donc fous, messieurs, pour vouloir armer ainsi des ennemis, car ces hommes sont nos ennemis ? Oui, je sais ce que vous allez me répondre, j'ai entendu votre conversation. Et mordieu, oubliez-vous donc les paroles qui ont été échangées hier soir entre notre Malekidou et les naturels qui sont passés dans leur pirogue à balancier le long de notre brick ? Duval a raison, me dit le capitaine, n'armez pas ces hommes. Il était alors à peu près 9 heures du matin. La brise du large s'établit et nous orientâmes tribord amure. Mais quel fut notre désappointement et notre consternation en nous apercevant que notre brick, si bon voilier, n'avançait presque pas. C'est une fatalité, nous dit le capitaine. Je n'y comprends absolument rien. Comment peut-il se faire que la petite Caroline, qui marchait hier si bien, reste en place en ce moment comme une lourde galiote hollandaise ? Le fait est qu'il y avait dans cette subite métamorphose de quoi frapper de crainte l'esprit le plus ferme et le plus fort. Maître Duval lui-même paraissait accablé, et pour la première fois peut-être de sa vie, interroger en vain son esprit si fertile en ressources. Quant au pirate, comme s'il eût été averti de notre impuissance, nous le vîmes bientôt hisser sa voile et nous gagner main sur main. 1 heure plus tard, il se trouvait à demi-portée de caronade de nous. « Ma foi, nous dit Lafitte, battons-nous au moins, puisque nous ne marchons pas. Allons, mes amis, aux caronades et commençons le feu. » Je me précipitai vers la caronade de bâbord, que je dirigeais. Puis, après avoir pointé avec attention le pro, je mis le feu. Le coup partit, mais je ne remarquai chez l'ennemi, une fois la fumée dissipée, aucune avarie importante. J'ordonnai à mes hommes de recharger lorsque des cris poussés sur l'avant attirèrent mon attention. Je me retournai vivement et j'aperçus le capitaine frappant le pont du pied avec fureur. Je courus aussitôt vers lui. « Qu'avez-vous donc ? » lui demandai-je. « Regardez !» « Ah, les traîtres » s'écria-t-il en étendant le doigt vers la lumière de la caronade. « Ils ont encloué cette pièce !» Cette découverte fut pour nous tous un coup de foudre, mais notre stupeur ne fut pas de longue durée. L'instinct de la conservation et la soif de la vengeance nous firent promptement revenir à nous. « Tout le monde sur l'arrière !» s'écria Lafitte, pâle de fureur. « Mes amis » continua-t-il en s'adressant à l'équipage, qui s'était empressé d'obéir à cet ordre, « plutôt que de tomber entre les mains des pirates, je préfère faire sauter le navire, car il vaut mieux mourir sur le coup que de subir la longue agonie que nous préparent ces misérables. Mais avant d'en venir à cette extrémité, que je suis certain d'éviter si vous secondez mes efforts, il nous reste encore à faire payer chèrement à ces brigands la joie de notre défaite et leur triomphe. Puis-je compter sur vous ?»« Oui, capitaine !» s'écria l'équipage avec un élan qui me fut droit au cœur et me rendit un peu d'espérance. « Eh bien, leur emparez-vous des traîtres qui se trouvent parmi nous et qui déjà ont encloué cette caronade ?» reprit Laffitte avec énergie. « C'est inutile, capitaine !» répondit le génois Malari en sortant de la foule. « De traîtres ici, il n'y en a qu'un seul. Je le surveillais et je vais le punir. C'est celui-ci. » Le génois, en prononçant ces paroles, jeta au pied de Laffitte par un mouvement brusque et théâtral le matelot José Salario. L'Espagnol s'attendait si peu à cette agression qu'il resta un moment atterré, anéanti, sans pouvoir prononcer une parole. « Réponds, misérable !» lui dit Malari. « N'est-ce pas toi qui as encloué cette caronade ?» À cette accusation, José Salario devint pâle comme un cadavre. Mais bientôt un éclair d'indignation passa dans son regard. Il se releva brusquement et regardant le génois bien en face. « Oui, dénonciateur, c'est moi en effet qui ai encloué cette pièce. Mais pourquoi ai-je fait cela ? Parce que tu es un chien enragé qui mérite la mort !» s'écria le Maltais en lui appliquant sur la tempe le canon d'un pistolet qu'il sortit de sa poitrine. Avant que personne n'eût pu s'interposer entre Salario et Malari, ce dernier fit feu et l'Espagnol tomba roi de mort. « Vous voyez, capitaine, que nous ne sommes pas tous des traîtres, » reprit le génois avec un sombre enthousiasme. « Croyez-moi, l'heure du combat venue, vous pourrez compter sur nous. » L'action du génois nous avait frappés de stupeur, et nous allions le remercier de son zèle et de sa fidélité, lorsque la parole de maître Duval tomba comme une pluie glacée sur notre enthousiasme et l'éteignit subitement. « Ton coup de pistolet ne prouve qu'une chose, Malari, » dit-il. « C'est que Salario était ton complice et que tu craignais son indiscrétion ou sa faiblesse. Capitaine, croyez-moi, faites attacher tous ces étrangers maudits et qu'on les descende dans l'entrepont. Une fois vainqueurs des pirates, nous aurons tout le temps de nous occuper d'eux. M'attacher, moi ? Allons donc, à moi, Kidou, à moi, Cortichat, Antonio !» s'écria Malari en s'élançant par un bond violent hors du cercle de matelots qui l'entourait et en sortant un second pistolet d'une des poches de son pantalon. « Ne craignez rien, nos amis les Indiens approchent. La petite Caroline nous appartient. » Le capitaine Laffitte fut le premier à revenir de la stupéfaction que nous avait causée la témérité du génois et s'élança aussitôt sur lui le sabre à la main. Malari, se tournant vers lui, l'ajusta rapidement et fit feu. « Sacré tonnerre !» s'écria le pauvre Pornic. « Ce maladroit s'est trompé d'adresse. » En effet, la balle que le génois destinait à Laffitte avait été se loger dans le bras de son second. Malari franchissait déjà les bastingages, son appel n'ayant pas été entendu de ses complices pour se jeter à la mer, lorsque Duval l'abattit en lui lançant sa hache d'abordage entre les jambes. Avant que le génois eût le temps de se relever, maître François s'était précipité sur lui et, s'emparant de ses mains, lui posait tranquillement son puissant genou, car Duval était d'une force herculéenne sur la poitrine. Quelques secondes plus tard, le misérable traître solidement garrotté était mis en sûreté dans l'entrepont. Cet acte de prudence accompli, nous nous mîmes à la recherche des complices du génois. Mais nous ne trouvâmes d'abord que le Maltais Cortichat, que nous envoyâmes, toujours étroitement ficelé, rejoindre Malari. Quant à Antonio et Kidou, ils avaient disparu. Nous allions poursuivre nos investigations pour nous emparer de ces deux autres coupables, quand les cris des pirates nous rappelèrent à notre poste de combat. Le proie n'était plus alors qu'à quelques encablures de la petite Caroline. Les balles et les flèches commençaient à pleuvoir sur le pont. Quant à nous, embusqués et cachés de notre mieux, nous nous hâtâmes de répondre à leur feu par une fusillade, sinon bien nourrie, du moins dirigée avec beaucoup de précision. Chacun de nos coups, ainsi que nous le prouvaient les hurlements de douleur et de rage qui les suivaient, arrivait à sa destination. Le novice Labourdonnais de l'île de France se faisait remarquer surtout par son adresse, prenant pour point de mire les naturels qui semblaient à bord du proie exercer une certaine autorité. Chaque fois que la détonation de son arme se faisait entendre, on pouvait être assuré qu'un de ses chefs recevait une balle dans la tête. « Courage, mes amis, » nous dit le capitaine, « voici le vent qui fraîchit, et tout me donne à supposer qu'il va augmenter encore. Nous pourrons alors, nous couvrant de voile, gagner le large et nous débarrasser de nos ennemis, car ils n'oseront pas perdre la terre de vue et nous suivre. » Comme il était avant tout urgent de doubler la pointe de la grande île pour nous écarter de la côte, Laffitte ordonna la manœuvre, mais hélas, voilà que le navire vient au vent malgré sa barre, nos voiles sont en ralingue. Sacré mille tonnerres ! S'écrie maître Duval, sortant de son sang-froid. Qu'est-ce que cela signifie ? Sommes-nous donc ensorcelés ? Duval se dirige aussitôt en courant vers le gaillard d'avant. Mais nous sommes tellement occupés avec les pirates que nous ne songeons ni à l'interroger ni à le suivre du regard, lorsqu'un cri affreux, qui domine le bruit de la fusillade et les clameurs des Indiens, attire notre attention vers le Beaupré. Duval, dont un des bras pend hors du navire, nous fait signe de l'autre de venir à son aide. Je m'empresse, suivi d'Avriot, de me rendre auprès de lui. Spectacle affreux. Maître Sang-Froid a harponné le Malekidou, qui était monté furtivement du dehors du navire, où il s'était tenu caché, en dedans, et avait coupé alors les drisses et les écoutes des phoques. Ce qui nous expliqua de suite comment tout à l'heure, malgré sa barre, la petite Caroline était venue au vent. « Dis-moi un peu, je vous prie, amenez cet homme à bord, » nous dit tranquillement François, en nous présentant la corde à laquelle est attaché le manche du harpon dont le fer traverse la poitrine du malais de part en part. « Pour retirer cet outil de son corps. « Maladroit que je suis, » reprit-il, lorsque quelques secondes plus tard, nous eûmes déposé le cadavre ensanglanté de Kidou sur le gaillard. « J'ai piqué ce gredin avec trop de brutalité. Le voilà mort. Impossible d'obtenir de lui quelques renseignements. » Le malais mort, nous retournâmes en toute hâte à notre poste de combat. Il était temps, le proue accostait la petite Caroline et les Indiens montaient à l'abordage. L'équipage du proue était plus nombreux encore que nous ne l'avions supposé. Il se composait d'environ 80 pirates. Quant à ces derniers, il me serait difficile de dépeindre leur ensemble. Il me faudrait faire une description personnelle de chacun d'eux, tant les accoutrements dont ils étaient affublés étaient différents. Les uns portaient des habits noirs dont les coupes diverses rappelaient plusieurs époques de la mode. Les autres, des vestes de marins, des uniformes de soldats, appartenant à toutes les nations. J'en vis même plusieurs qui s'étaient confectionnés des espèces de manteaux avec des robes de femmes. Quant à celui qui semblait leur chef, il portait un uniforme rouge de capitaine anglais et avait sur la tête un casque de cavalerie. Que de sang avait dû coûter la possession de ces dépouilles. Le proue était bord à bord avec la petite Caroline et, montée sur les bastingages, nous repoussions à coups de pique et de fusil les pirates acharnés à monter à l'abordage. Lorsque Duval arriva, aidé des matelots Cadrousse, Reboul et Morvan, portant eux quatre plusieurs chaudières pleines d'eau bouillante. « Gare et passage !» nous dit tranquillement Maître Sang-Froid. « Laissez-nous baptiser un peu ces infidèles, afin que si nous les tuons, ils meurent au moins en chrétiens. » Alors Duval et les trois matelots que je viens de nommer renversèrent de leur mieux sur la tête des pirates le contenu de leur marmite. L'effet de cette douche d'un nouveau genre fut immense. Un hideux et étourdissant concert de clameurs douloureuses et sauvages domina le bruit de la fusillade. Duval sourit d'un air modeste et satisfait. Cet épisode, qui, si nous nous fussions trouvés dans une position moins critique, eut certes provoqué en nous une longue hilarité, suspendit pendant un moment l'attaque des Indiens. Ceux qui avaient été atteints par le baptême de Duval se roulaient avec d'affreuses contorsions dans le fond du proue. Nous profitâmes de cette confusion pour abattre une dizaine de nos assaillants. Nos hommes, stimulés par l'idée du sort qui les attendait s'ils tombaient entre les mains des pirates, s'était porté avec tant de précipitation au bastingage pour les repousser que la barre du gouvernail avait été abandonnée à elle-même. Le capitaine Lafitte s'aperçut heureusement à temps de cet abandon qui put avoir pour nous de si désastreuses conséquences et appelant le breton Yvon, notre meilleur timonier, il lui cria d'aller se mettre à la barre. Le breton Yvon, occupé à larder de coups de pique les Indiens, ce dont il s'acquittait à ravir, fit la sourde oreille et Lafitte dut répéter une seconde fois son ordre. « De suite, capitaine !» répondit le breton, qui trouva encore moyen, avant de s'éloigner du lieu du combat, de traverser la poitrine d'un pirate. La fusillade et les piques continuaient leur jeu, et nous avions fort à faire pour repousser les forbans qui grimpaient, semblables à des tigres, le long des flancs de notre brigue, lorsqu'une espèce de sifflement, passant au-dessus de notre tête et immédiatement suivi d'une chute lourde et sonore, nous annonça que Maître Sang-Froid continuait ses évolutions excentriques et nous procura un temps de repos ou d'arrêt. En effet, l'ingénieux Bordelais venait, aidé par son second maître, de larguer le cartahut qui retenait le paquet de boulets qu'il avait hissé au bout de la vergue de misaine. Le résultat obtenu par cette chute fut prodigieux. Sans parler des Indiens tués et blessés, les boulets avaient défoncé le proue. « Vive maître Duval !» m'écriai-je avec enthousiasme. Tout l'équipage répéta mon cri. Avant que les pirates fussent revenus de leur stupéfaction, maître Duval attirait de nouveau à lui son terrible et original engin de guerre, qui, 2 minutes plus tard, retombait avec le même succès qu'il avait déjà obtenu la première fois. Quel ne fut donc pas notre étonnement, lorsque nous vîmes le Bordelais abandonner subitement le poste où il nous rendait de si grands services et se laisser glisser sur le pont. « Où allez-vous donc, Duval ?» lui demandai-je. « Encore sur le gaillard d'avant, » me répondit-il en saisissant une pique et en s'élançant dans la direction qu'il venait de m'annoncer. Je m'empressai de le suivre. Lorsque je le rejoignis, notre maître d'équipage, le corps penché en dehors des bastingages, retirait tranquillement sa pique ensanglantée du dos du maltais Cortichat. J'arrivais juste à temps pour le voir tomber à la mer. Le misérable, caché en dehors du navire, s'est glissé du beau pré sur le gaillard d'avant et a largué la drisse du petit hunier, me dit Duval. Heureusement que je l'aperçus à temps. Sans cela, il n'eût point manqué de continuer le cours de ses plaisanteries. Et ce n'est déjà que trop. Voyez, lieutenant, voici la vergue qui tombe en pagaille sur le pont. Celle du petit cacatois qui se casse en deux, les ralingues du petit perroquet qui se rompent, la voile qui se déchire. Le navire qui, par suite de ses avaries, l'offre par conséquent encore plus qu'auparavant. Et le plus triste de la chose, c'est que le temps nous manque pour nous occuper de la manœuvre. Il nous faut avant tout combattre. « Lieutenant !» me cria le breton Yvon, toujours là-bas et qui ignorait ce qui venait de se passer. « Ça ne va pas. Je viens de larguer les deux drisses du pic et le navire l'offre toujours. Regardez, les voiles de l'avant sont en pantaine et celles de l'arrière en ralingue. Si je retournais à ma pique. « Abandonner ton poste, Yvon, es-tu fou ? Ne vois-tu pas que les pirates, comprenant toute l'importance de ta mort, dirigent principalement leurs flèches et leurs coups de fusil sur toi ?»« Le fait est, lieutenant, que j'entends siffler un tas de ramages à mes oreilles. Alors c'est sûr, je ne bouge plus d'ici. Quant à moi, je retourne au combat. » Une mare de sang inonde le fond, qu'envahit déjà la mer, du pro. Mais hélas, nous avons payé cher nos avantages. Je trouve étendu mort le pauvre Pornic, qui, malgré la balle qu'il avait reçue du génois Malari dans le bras, s'était obstiné à rester sur le pont. Une flèche l'a atteint en plein œil. Le matelot Bastien Marceau est également blessé et hors de combat. De plus, notre intrépide voilier Magloire, qui depuis le commencement de l'action, monté à cheval sur le plat-bord, se battait avec un courage de lion, est aussi victime d'un affreux accident. Il a sonné un coup de hache tellement violent sur la tête d'un pirate, et la pointe de son arme est restée si solidement enclavée dans le crâne de son ennemi qu'il n'a pu l'en retirer. Or, comme d'un autre côté sa hache est retenue à son poignet par l'estrope, le malheureux Malgoire est saisi par les pirates, qui le criblent de coups de leur crisse, un poignard en forme de flamme, et jettent son cadavre à la mer. « Allons, mes amis, un peu de courage et de persévérance !» nous dit le capitaine, qui, à défaut d'initiative, ne manque pas de courage et fait noblement son devoir. « Un peu de courage et de patience et nous sommes vainqueurs. » Le pro s'emplit d'eau à vue d'œil et ne va pas tarder à couler en entraînant avec lui nos ennemis. « Du courage. Cette pensée qui redouble nos efforts et nous soutient excite également les Indiens. Ils sentent leur embarcation qui s'enfonce et le désespoir change leur ardeur en fureur. Ce ne sont plus des hommes, ce sont des tigres blessés à mort qui veulent, avant de succomber, venger leur défaite. Plusieurs d'entre eux, se cramponnant avec une énergie inexprimable au flanc de la petite Caroline, parviennent, couverts de blessures, à saisir nos filets d'abordage qu'ils coupent avec leurs poignards. « Hola, hola, capitaine, les amis !» nous crie en ce moment le brave Yvon. « Venez me relever là-bas, je m'en vais !» Je cours vers Yvon que je trouve baigné dans son sang, mais droit, debout, impassible, et essayant toujours de gouverner. Je m'élance pour le soutenir, mais il le repousse doucement. « Prenez la barre, » me dit-il, « et ne vous dérangez pas pour moi. Vous aviez tout de même raison, lieutenant. Ces gredins s'occupaient spécialement de moi. J'ai reçu des flèches partout, des balles dans pas mal d'endroits. Je suis une pelote, quoi. Compliments aux amis, et tapez dur. » Au moment où je prends la barre, le breton me sourit d'un air reconnaissant, puis tombe à mes pieds en murmurant « Bonsoir ». Je me penche sur lui, il n'est plus qu'un cadavre. Le sentiment seul du devoir a pu lui donner la force de rester aussi longtemps à son poste, car son corps est littéralement parlant criblé de blessures. À présent qu'il se voit remplacé, il peut mourir, et il meurt. J'appelle alors un matelot pour me remplacer à mon tour et je me hâte de rejoindre le capitaine qui combat toujours. « Ah, mon cher Garneret, me dit-il en rechargeant son fusil, nous sommes perdus. Pour nous sauver, il faudra une heure de bonne route, afin de pouvoir doubler la pointe de la côte qui nous reste sous le vent et sur laquelle nous allons sans doute échouer. Tâchez donc de vous occuper de cette manœuvre. Voici justement le vent qui fraîchit. » « Impossible, capitaine. La barre est mise au vent depuis longtemps et nous ne gouvernons plus. Nous allons en dérive. Nous n'avons plus de voile orientée sur l'avant et nous ne pourrions les orienter sans compromettre à coup sûr le salut du navire et le nôtre. Allons, mon pauvre Garneret, sachons mourir. » Nous recommençons alors à combattre, mais hélas, le filet d'abordage si prudemment improvisé par Duval avant l'engagement de l'action a été, je l'ai dit, coupé par les pirates. Bientôt ils seront sur notre gaillard d'avant. Mais où est donc Maître Sang-Froid ? En ce moment critique et suprême, sa présence d'esprit l'aurait-elle abandonné ? Non, je le vois occupé à élever un rempart de barriques pleines d'eau auprès de nos caronades, qu'il a fait placer du côté où les ennemis doivent nous attaquer. Il faut que Maître Duval compte beaucoup sur ce nouvel expédient, pour nous priver ainsi du concours de trois de nos matelots qu'il emploie à l'aider dans sa tâche. Mais le voici qui vient vers nous, il est temps. Dans quelques secondes, les pirates seront à bord. « Mes amis, nous dit-il vivement, que quatre d'entre nous, Avriot, Guide, Labourdonnais et Reboul, aillent se loger dans les hunes pour faire feu sur l'ennemi. Que tout le monde ensuite se réfugie, les armes chargées, dans la chambre et canarde ses gueux, une fois qu'ils seront sur le pont, à travers les meurtrières que j'ai fait percer. « Mais Duval !» s'écrie le capitaine. « Ah, capitaine, excusez, nous n'avons pas de temps à perdre. Au reste, ne craignez rien, la manœuvre que je commande est celle dont vous m'avez parlé vous-même tantôt, vous savez. » Le capitaine sait au contraire fort bien qu'il n'y avait rien eu de convenu entre le maître d'équipage et lui, mais il apprécie le généreux mensonge que fait son subalterne pour sauver la dignité du commandement. « Ah, c'est vrai !» répondit-il. « Eh bien, soit, Duval, nous allons nous retirer. »« Un instant, capitaine, un instant. Nous nous retirons qu'après avoir effrayé l'ennemi afin qu'il ne puisse nous rejoindre avant que nous ayons gagné nos postes de combat. Attendez-moi. Roustan et Cadrousse, venez m'aider un peu, mes garçons. » Quelques secondes se sont à peine écoulées que Maître Sang-Froid revient avec les deux matelots portant à eux trois une barrique pleine d'eau et s'approchant des bastingages. « Celle-ci est froide, nous dit-il, mais vous savez le proverbe, chat échaudé, etc. Or donc, ça fera pour la peur le même effet sur ces canailles. Attention, quand je dirai trois, que tout le monde se rende au poste indiqué. Les quatre matelots Avriot, Guide, Labourdonnais et Reboul dans les hunes. Le reste du monde dans la chambre. C'est compris ? Entendu. Bien. Une, deux, trois. » Notre confiance dans le maître équipage est si grande et notre position si désespérée que nous lui obéissons aveuglément et avec empressement. À peine a-t-il donc prononcé le mot « trois » que les bastingages se dégarnissent de combattants. Les pirates peuvent monter. Une clameur bruyante a été poussée par les Indiens lorsqu'ils ont vu Maître Sang-Froid revenir avec cette nouvelle barrique d'eau qu'ils croient bouillante. Tous se sont éloignés du bord pour éviter les atteintes du liquide meurtrier et le rusé Bordelais, afin de bien nous donner le temps d'opérer notre retraite, mais une excessive lenteur a versé le contenu de sa barrique. Bientôt, les matelots Roustan et Cadrousse nous rejoignant dans la dunette, nous annoncent que Duval, pour éviter d'être atteint par les flèches et les balles que les pirates dirigeaient exclusivement sur lui, a fini par lancer la barrique pleine dans le pro, dont ce dernier choc va probablement occasionner la submersion. « Et Maître Sang-Froid, leur demandons-nous. Ils ne peuvent nous apprendre, s'étant sauvés fort vite eux-mêmes, ce qu'il est devenu. Il a été probablement rejoint dans les quatre matelots placés dans les hunes. Mais attention, voici une clameur immense qui nous annonce un grave événement. En effet, les pirates viennent d'envahir le pont de notre brique. Nos espingoles, chargées avec 6 balles, vomissent sur eux, à travers les meurtrières de la chambre, une telle masse de plomb que plus de 10 d'entre eux tombent morts ou blessés. Un feu bien dirigé qui part du haut des hunes aide et soutient le nôtre. Les Indiens, un moment épouvantés par cette fusillade tirée presque à bout portant, s'arrêtent une seconde. Mais bientôt, leur chef, ce naturel revêtu d'un uniforme d'officier anglais et coiffé d'un casque de cavalerie dont j'ai déjà parlé au commencement de ce récit, les encourage, les ranime, et se mettant à leur tête, veut leur donner l'élan. Les forbans, décimés par nos balles, et n'ayant plus de retraite, car le pro a coulé, poussent des hurlements de bêtes féroces, et se prépare à obéir à leurs commandements, lorsque tout à coup une épouvantable détonation retentit. Un jet de flamme et un nuage de fumée passant devant nos meurtrières nous aveugle pendant quelques secondes. Lorsque la vibration de l'air a cessé, que la lumière du jour nous revient, nous apercevons et nous entendons Maître Duval qui sort de derrière le rempart formé par les tonneaux d'eau et qui, de l'air le plus tranquille du monde, regarde froidement un monceau de cadavres entassé devant lui et dit d'une voix calme « Est-ce qu'il y en a encore ?» Il venait de mettre le feu aux deux caronades de l'arrière. En un clin d'œil, nous nous précipitons en dehors de la dunette. Nous achevons sans pitié les pirates blessés et nous massacrons ceux que la mitraille des deux caronades tirée en même temps par Duval a épargnés. Nous sommes vainqueurs. Il n'y a plus sur le pont de la petite Caroline un seul Indien vivant. Il était alors près de 2 heures. Le combat a duré bien longtemps. Dire à présent les transports d'admiration et les félicitations que reçut notre sauveur Duval nous mènerait trop loin. Le Bordelais, plein de modestie, ce Duval ne ressemblant pas même, tant il était original, à ses compatriotes, se contentait de répondre « Pardi, ça ne vaut pas la peine de t'en crier. Je ne fais qu'obéir aux ordres du capitaine. » La joie profonde que nous éprouvions de notre délivrance ne fut pas, hélas, de longue durée. Bientôt, une violente secousse ébranla du haut en bas la petite Caroline. Nous venions d'échouer. Cet événement, auquel depuis longtemps nous devions nous attendre, nous causa cependant un profond désespoir. À présent que nous nous étions débarrassés des pirates, à présent que nous étions tous occupés à la manœuvre pour établir nos voiles, rien ne nous semblait plus devoir entraver notre bonheur. Heureusement, la mer était calme, le vent léger, et notre sauvetage ne présentait que peu de dangers. Seulement, nous ignorions si cette île où nous devions aborder ne renfermait pas de nouveaux ennemis. Or, la crainte de tomber entre les mains des Indiens, surtout après notre victoire, c'est-à-dire alors que nous étions doublement coupables à leurs yeux, nous épouvantait. La première embarcation qui se dirigea vers la terre contenait la famille portugaise et 5 de nos hommes parfaitement armés. 3 de ceux-ci restèrent avec les Portugais et les 2 autres nous ramenèrent le canot. Alors le déchargement de la petite Caroline commença. On s'empressa d'abord de porter à terre les 2 lacs de roupies que nous avait confiés le gouverneur de Goa, puis les 200 000 francs en or qui appartenaient à nos passagers portugais. Ensuite, on embarqua le tonneau d'eau douce et les munitions placées par Maître Duval dans la chambre. Quant aux provisions de bouche, il nous fut impossible, l'eau ayant gagné l'entrepont de la petite Caroline, de nous procurer pour le moment plus de 2 sacs de biscuits, quelques conserves, un peu de farine et 20 livres de viande salée qui se trouvèrent heureusement dans la cuisine. Nous travaillions tous avec ardeur lorsque nous vîmes apparaître sur le pont le Portugais Antonio que la mer, en envahissant la cale où il se tenait caché, avait forcé de se sauver. Nous le garrottâmes avec un soin tout particulier et nous le descendîmes dans l'embarcation. Il était près de 6 heures du soir lorsque nous abandonnâmes à tout jamais notre pauvre navire. Mal enclavé où il avait touché, la marée, en baissant, le laissa glisser de telle façon que la mer recouvrit bientôt son pont à une hauteur de plusieurs pouces. Je dois à présent, avant de conduire le lecteur à terre, rapporter ici une découverte que nous fîmes en travaillant, après notre naufrage, à nos ancres. Nous aperçûmes, amarrés à l'avant du navire, sur les sous-barbes, au ras de l'étrave, des sacs pleins de sable et de boulets. C'était cette trahison des étrangers qui avait ralenti tout à coup notre marche d'une façon si extraordinaire et avait permis aux pirates de nous rejoindre. Après cette découverte, un aveu me reste encore à faire. Notre embarcation, en s'éloignant à tout jamais de la petite Caroline, n'emportait pas avec elle le génois Malari. Nous l'avions oublié dans l'entrepont, et comme depuis longtemps déjà la mer avait envahi cet endroit, je laisse à la perspicacité du lecteur à deviner quel avait dû être le sort de ce misérable.